Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 79e Vampire Freaks. Chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur Archive.org. Et oui, salut la tribu, c'est Spike et je débarque dans votre salon comme toutes les semaines à la même heure sur votre radio favorite. Aujourd'hui, c'est la 79e spéciale collective de l'œuf de pierre, concert du 18 mars 2017, le Shadrach Metal Fest. Il y aura des interviews, il y aura quelques extraits, il y aura de la nouveauté, il y aura pas mal de choses. Et merci à ceux qui sont venus me parler durant le concert, c'est gentil. On commencera tout de suite cette émission spéciale en live avec Nightmare de Avenged Sevenfold. C'était aussi le titre de leur 5e album sorti le 26 juillet 2010. On trouve Danger Line, So Far Away et Save Me notamment. On poursuivra avec Happy Never After, c'est une nouveauté, c'est le nouveau d'ailleurs, Suicidal Tendencies, sur l'album World Gone Mad, sorti le 30 septembre 2016. On retrouve Clap Like Ozzy, Living for Life et One Finger Salute notamment. On continuera avec une autre nouveauté, le contrat de le nouveau Barricade, c'est sur l'album Sans Titre, sorti dernièrement. On retrouve Pense à Moi, La Meute et Communique, un magnifique album. Allez sur la page Facebook de Barricade, ils ont aussi un bandcamp, allez-y, viendez liker et surtout partagez. Allez, une petite connerie, Riding on My Bike de Madness est sur l'album de Rise and Fall, sorti le 8 octobre 1982. On retrouve Rise and Fall, A House, New Delhi entre autres, un top album qui met toujours autant la poche. Et on finira ce bloc en live avec My Big Mouth de Oasis, c'est sur l'album Beer Now, sorti le 21 août 1997. On retrouve You Know What I Mean, Don't Go Away et Beer Now notamment. Your tragic memories.

J'ai poussé la porte, délesté de mes peurs, comme un corps qu'on emporte. Sa chaleur, elle s'était rapprochée pour mieux me voir raconter mes histoires de la vie sans saveur que je retrouve chaque soir. Aujourd'hui fatigué, le temps m'a rattrapé. J'ai payé l'addition, j'y ai mis le prix, la laissant prendre alors un peu plus que ma vie. nine songs, man. My Big Mouth. It's fucking rocks, this one. It gets us all into trouble. Not me. You don't get me in trouble. I get you all out of the world. Everybody now. Vous êtes toujours dans la 79e Vampire Freak spécial collectif de l'œuf de pierre. On vient de se faire un bon bloc pour commencer là. Nightmare en live de Avenged Sevenfold. Happy Never After, le nouveau Suicidal Tendencies. Le Contrat, le nouveau Barricade. J'adore Barricade. Riding on My Back, une grosse bêtise de Madness. Et on a fini ce bloc en live avec Mac Big Mouse de Oasis. On continuera avec la Marche Hérétique en live de Satan Joker. C'est sur l'album Trop Fou pour Toi, sorti en 1984. On retrouve Pas Fréquentable, Infidèle et Vice Privé. Un album qui vieillit pas trop mal. On écoutera ensuite Que Passa en cassette de Les Shérifs. C'est sur l'album Electrochoc, sorti en 1998. On retrouve Je Fonce dans le Tas, C'est Pas Verdun et Le Mur du Son. Toujours aussi sympa à réécouter ce petit album Les Shérifs. On continuera avec Live Up de Naman. C'est sur l'album Rays of Resistance, sorti en 2015. On retrouve Resistance, Big and Bad et Oni notamment. Vivement qu'il ressorte un album. On écoutera ensuite l'interview de Mad. Ensuite, on écoutera le nouveau Regard Oblique Asservi. C'est extrait de l'album 2 qui vient de sortir. On retrouve Il semblerait, Ego et Révolté. Un excellent album. Allez sur la page Facebook de Regard Oblique, ils sont aussi sur Bandcamp. Et on finira ce bloc en live avec Californication des Red Hot Chili Peppers. C'est sur l'album Live in Hyde Park, sorti le 26 juillet 2004. On retrouve Can't Stop, By the Way, et Brandy et plein d'autres. Et 26 titres en double album, et il y avait du matos là quand même. We'll be right back. you leave your sunshine in the morning, make me rise. Give me a smile and grind when the rock steady start. Ooh, yeah. I wanna tell them in the neighborhood. Give me a speaker and a mic, me and go turn up the mood. Yes, I live. Is it hard to believe? The more you keep on, the less you love. And love got so much to give. We have to live up to the best. Girl, I'm gonna make questions. No, me no, nobody on earth can stop me from express myself. I am a live up, I feel a vibe. And I'm like, we rock on. They got that in free hiding. Me never bump, me never sit up. Now it feels like me couldn't wait no longer. That we play foundation. Me pack it up in all me car, jump it in a town. Everywhere me go, me make the baseline sound. Me found the best spot ever. Me chill and Lego, man, I take it to the wire. What me say, me and the soul. Back when never, forward forever. The fire go burn till tomorrow. Easy. So when we come around again, les différents membres du groupe. Alors vas-y, on se présente. Présente-toi. Il parle pas beaucoup. Benoît, le clap pianiste. Ouais. Ouais. Bah Gabi, le bassiste. Voilà. Léo, le guitariste. Et Nicolas, le batteur. Ok. Donc vous venez de quel coin? Vous êtes du sur le puits? Vous êtes. On est en fait, on est un peu de partout. On est. On disait qu'on est en Haute-Loire. Ouais. Il y en a qui sont repartis à Allègre. Il y en a qui sont à Langeac. Il y en a qui sont au Puy. Il y en a qui sont. C'est pas ouais, okay. Voilà. Et donc ça fait combien de temps que ce groupe il existe? Ça fait un peu plus d'un an. Ok. Et donc, du coup, quels sont les projets? Les projets. Album, EP. Et ben, je préfère que ce soit vous qui le dites. Hein, ouais, je comprends. Ouais. bah, Nico, vas-y, je te laisse. Faire le plus de musique possible, de faire plus de concerts. Des concerts, ouais, et peut-être concert. Futur album, peut-être. Futur album, déjà, moi, comme j'ai dit, on peut en faire une partie. Bon, pendant les vacances, vu que le truc qui va être le plus long, ça va faire les lignes de batterie. Ouais. Et donc, du coup, c'est ça qui risque de prendre un peu de temps. Je pensais en faire 3 ou 4, mais déjà, si on s'en faire 5 ou 6, mais si déjà si on en fait 3 ou 4, ça sera déjà pas mal. Ouais, ce serait génial. Voilà, après, je sais pas si t'as où t'en es avec le Bandcamp, si tu l'as monté. Si, je l'ai monté. Ouais. Et justement, avec l'avantage que t'as avec le Wave, c'est que tu peux mettre directement sur Bandcamp. D'accord. Si fait comme ça. Donc du coup voilà, et vous le sentez bien alors déjà ce soir, vous le sentez bien ce soir? Franchement, on est chaud, on se va se donner à fond. Et l'enregistrement, vous le sentez comment? L'enregistrement, et ben plus on va voir. Non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ouais. Ben voilà, on a fini. Attends, on va faire une petite photo pour la postérité. Par ankylose. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Comment ne pas finir comme un tas de confettis? Dialogue en morse, un cas de névrose se réamorce. Emportement positif, suivi de toutes nos envies, piqué au vif et plus rien ne nous extasie. Des solutions par wagon, pas besoin de flatter son ego. On devrait tous savoir ce que l'on vaut. Pas besoin de flatter son ego. On devrait tout savoir. On devrait tout savoir ce que l'on vaut. A priori, tout n'est pas ainsi. Continuons d'être asservis. L'oligarchie nous en remercie. A priori. Ainsi, continuons d'être asservis. L'oligarchie nous en remercie. Mmh. Vous êtes toujours dans la 79e Vampire Freak, et c'est Spike qui débarque dans votre salon, et c'est la spéciale collective de l'œuf de pierre. On vient de se faire un bon bloc là, la marche hérétique de, en live de Satan Jokers, qui est passée en cassette des shérifs, live up de Naman. On a eu l'interview des petits copains de Mad, et oui, ils vont venir enregistrer chez Morchen, ils vont venir à l'Orcan Studio, j'en suis content. On a continué avec Asservi, le nouveau Regard Obélique, et on a fini en live avec Californication de Red Hot Chili Peppers. On continuera en live avec One of the Two de Damned, c'est sur l'album Damned, Damned, Damned, leur premier album sorti le 18 février 1977. On retrouve Fan Club, I Fall, New Rose. Ça bouge toujours autant, oi oi oi. On continuera avec À tout le monde de Megadeth, c'est sur l'album Euthanasia, sorti le 1er novembre 1994. On retrouve Train of Consequences de Killing Road et Family Tree, un bon album qui vieillit bien. On poursuivra avec une nouveauté, Pulp Friction de Beta Bloqué, c'est sur un album à préparation qui va sortir bientôt, des nouvelles très vite. Allez sur la page Facebook de Beta Bloqué, ils ont aussi un SoundCloud. On continuera avec un petit test. La Nostalgie Camarade, le nouveau Morchen 43, ça sera la chanson bonus de Talkover qui va sortir bientôt. On continuera ensuite avec l'interview de Ozzy Ozzy et on finira avec Crazy Train en live de Ozzy Ozzy. C'est un groupe tribute à Ozzy Osbourne, Black Sabbath. Ils cherchent des dates. Amis organisateurs, prenez contact via FB. Il y a Facebook avec Ozzy Ozzy. Je filerai les liens sur la page Facebook de l'émission. Oh yeah, you're all crushed in fury. Whoa, get the jury to defend you. You tried, but you couldn't cry when they see you. You want me to hang around with you? But you lied, I will. Oh, you ever give me one disgrace? Well, that's the way down. That's the way down. That's sedation. That's sedation. Oh, one of the two. One of the two. With this saturation, I think you can disguise almost sweet. You're all come to fury war, get the jury to defend you. You die, I will. You ever give me one disgrace? That's the way down. That's the way down. That's sedation. That's sedation. Oh, one of the two. One of the two. Two. again. More seriously I took things, the harder the blows became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read, there's no my friends. I'd love to stay with you all. Smile wouldn't leave me. Still alive, I know I'm still awake, and my memory is left with you. There's nothing more to say. Moving on is a simple thing. What it leaves behind is hard. You know the street can tell no more pain. À mi, je vous sais, je dois partir. These are the last words I'll ever speak, and you set me free. Vive le poids. poisson lune, celle qui fabule, qui prend ses journées à rêver d'un cabillaud carré avec l'arrêt de côté. Ses meules sur le canapé, mate sa télé, don de fortune, le plus beau merlu pané. Quand ils sont carrés, coulent les fendus, rangés à rempart de lune, les aime, les suce des yeux, même s'ils ne sont pas nus. Bordel, de casser la cabane, de ce panou panou, puis sortir ton canif, ouvrir le bide au primitif qui débarquait de sa savane. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette fille diaphane, contre son gré et sous ses griffes, Tes regrets, tu réponds négatif. Mieux encore, tu ricanes. La nostalgie, camarade. La nostalgie, camarade. La nostalgie, camarade. La nostalgie, camarade. Qu'est-ce qui te prend au sucre de canne, de te klaxonner la gueule, sombrer sur le récif, de ta mémoire et revoir ton passif en respirant la colophane. La nostalgie, camarade. La nostalgie, camarade. La nostalgie, camarade. La nostalgie, camarade. Il s'en passe des choses sous ton crâne rasé. C'est plein de tristesse et de kiff. Tu te vois encore en tenue léopard, bourré d'explosifs, sauter de ton aéroplane. Alors, Ozzy Ozzy, comment ça va? Bah, très bien, et toi? Ça va. Bon, alors, qui sont les membres du groupe, en fait? Les différents alors, membres du groupe? Il y a Jean-Claude, Jaco Wild. Jaco Wild, qui n'est pas là, et qui a fait une course qui revient. Ouais. Moi-même, Ozzy Ozzy. Voilà. Saber. Saber. À la basse. Ouais. Voilà, et Al. À la batterie. À la batterie. Voilà. Et donc, du coup, vous venez d'où, en fait? Ouh. Même okay. Si même de quel coin de la France, quelle région? Lyon. Lyon. La Loire donc. Saint-Et. Et j'habite juste à côté, à 3 minutes d'ici, ah bah, Lac Chadrac. Nickel. À la maison. Et du coup, pourquoi avoir choisi de faire du tribute? Alors en fait, le tribute, ça fait très longtemps que ça marche partout en Europe, notamment au Danemark, en Allemagne, en Belgique, etc. Et nous, on a fait, avec Jaco, Al et moi, on a, ça fait plus de 20 ans qu'on joue ensemble, en fait. Ah, donc c'est une vieille histoire, ça. Bah, si je t'entends, c'est une très vieille histoire. Ah, ouais. C'est bon, ça. Justement, et on proposait, etc. Moi, j'ai eu d'autres aventures après de groupe avec Revenge, notamment. Ah. Où on a fait plusieurs tournées en France. Oui, mais j'ai entendu parler de Revenge. Voilà. Ça a marché très bien, d'ailleurs. C'était pas mal. C'était pas mal. Merci. D'ailleurs, c'est dommage, il reste pas beaucoup de traces et c'est un peu dommage. Oui, il y a encore des albums. Ouais, mais justement, parce que dans l'émission, j'aime bien passer des trucs, hein, comment dirais-je, un peu cultes. Et Revenge, c'est culte. Hein. C'est culte. C'est culte, voilà. Mais bon, si jamais t'as quelques CD qui se traînent, tu me fais un transfert, je te donnerai mon mail. Et... Ouais, pas de soucis. Voilà. Et alors, donc, du coup, bon, t'as répondu. L'histoire des tributes, c'est que justement, ça fait 20 ans qu'on jouait tous les trois ensemble. Mmh. Et puis, au fur et à mesure des aventures, on avait eu plusieurs chanteurs, et puis moi je m'étais mis à la fois à la basse et au chant. Ouais. Et les gens disaient, c'est marrant, ça ressemble un peu à Ozzy. Ah ouais. Et puis ça, mis à côté du fait que les tributes marchaient bien, on dit, on a qu'à faire un tribute à Ozzy. Ouais, c'est une bonne idée. La question s'est posée après de la basse. Ouais. Et c'est là que. Et ça avait venu nous rejoindre. Bon, t'as répondu à la question depuis combien de temps le groupe existe Depuis 2012. 2012. Et donc, c'est quoi les projets maintenant des uns et des autres? Si vous avez encore quelques groupes à part, ou si vous souhaitez faire d'autres concerts, choses comme ça. Enfin, si que vous ne souhaitiez pas faire d'autres concerts, ça m'étonnerait beaucoup quand même. Oui. Mais. Aussi, il y a des concerts qui sont prévus. C'était un peu plus léger cette année. L'année prochaine, j'espère qu'on aura peut-être un petit peu plus de concerts. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes de disponibilité des uns et des autres. Mmh. Voilà, en parallèle avec Alim, on a monté un autre tribute, un tribute à Black Sabbath, ouais. Qui s'appelle Back Sabbath, qui sera le 7 avril à Chambéry, ouais. Qui va jouer aussi à Nancy. Au okay. mois de mai, avec justement Best of Metallica. Avec l'équipe de Best of Metallica, ce sera pas vraiment leur groupe. Ouais, mais groupe. Bon, voilà. C'est là. Et puis c'est tout. Puis peut-être d'autres surprises sous le pied, on verra. Ouais, bah c'est cool. On a terminé. Messieurs, on va faire une petite photo pour la. D'accord. Pour la petite postérité. Oh, Vous êtes toujours dans la 79e Vampire Freak spécial collectif Fleuve de Pierre. On vient de se faire un petit bloc en douceur. One of the Two en live de Damned. À tout le monde de Megadeth. Pulp Friction, le nouveau Bêta Bloqué. La Nostalgie Camarade de, par Morsen 43. L'interview de Ozzy Osbourne. Et excusez-moi, le son est un peu pourri, mais bon, il y avait que ça à leur disposition pour le moment. Crazy Train de, en live de Ozzy Osbourne. On continuera cette émission en live, toujours en live, avec Justice de Tiken Jaffa Coli. C'est sur l'album Live à Paris, sorti le 1er mars 2008. On retrouve Ça va faire mal, L'Africain, Ouvrez les frontières, un super album. On continuera avec une nouveauté, Cannibal, le nouveau Arnaud Futur. C'est le, l'album Cannibal, Tout ce qui nous dévore, de, sorti en septembre 2016. On retrouve Black Spider, Brick Brother, Garage Band. Et non, le punk n'est pas mort. Allez sur la page Facebook de Arnaud Futur. Il est aussi sur Bandcamp. Il cherche des dates aussi de concerts. Alors, amis organisateurs, allez sur la page Facebook de Arnaud Futur, prenez contact avec lui. On continuera avec Mes Principes de Yannis Odoa. C'est sur l'album Moment Idéal, sorti en 2013. On retrouve Rouge, Jaune, Vert, Elle et Laissez Rouler notamment. Un excellent album. Il va sortir un nouvel album le 17 avril prochain. Hâte de vous le faire découvrir. On continuera avec un petit classique. Ah ouais, Born Stubborn de Sepultura. C'est sur l'album Roots, leur sixième album, sorti le 20 février 1996. On retrouvait Roots, Bloody Roots, Breed Apart et Dictator Shit. Un album devenu culte et je le dédicace au batteur de Best of Metallica. D'ailleurs, il y aura l'interview de Best of Metallica. Et comme il n'y a pas de morceaux, comment dirais-je, live par Best of Metallica, je pense qu'on finira ce bloc en live avec No Remorse par Metallica. C'est sur l'album Kill Em All, leur premier album sorti le 25 juillet 1983. On retrouve The Four Horsemen, Motor Breath et Seek and Destroy. Souvent ces enquêtes n'aboutissent même pas. Quand ils sont en tour, les mêmes combines rien les sortir de là. Mais ma justice, réveille-toi. Justice, réveille-toi. Thomas Sankara demande à parler. Justice, réveille-toi. Justice, réveille-toi. Norme Zongo demande François à Paris. Est-ce que ça va? Merci d'être venu. C'est quand ce sont des bêtises, hey. Sujet des principes et mes principes disent qu'une fois retourné sa veste, y'a aucune chance de reprise. Même si après tu me détestes, l'éternel gère à sa guise. Quand il faut que je passe les tests, les comptes, ce sont des bêtises, hey. J'ai peut-être trop de principes, mais je participe. Pour tous ceux qui n'en ont pas, ils n'ont aucune limite. Pour rentrer de l'élite, ferait tout n'importe quoi. Faut penser à la suite, on anticipe. Les réages dans tous les cas, que cet esprit se dissipe. Ce n'est pas logique et c'est beaucoup trop délicat. La jet set pour beaucoup serait plus qu'un rêve matérialisé. Tout le monde prend la tête parce que plus personne ne veut travailler. L'heure n'est plus à la fête, presque tous les domaines sont touchés. Faut tirer la sonnette pour que tout le monde soit avisé. Pour en venir direct au fait, les hypocrites on en a assez. Il serait temps qu'ils arrêtent, tout seuls ils sont en train de s'enfoncer. Après tout, je suis pas prophète, qui fasse ce qu'ils veulent, Dieu va nous montrer qui d'entre nous lui paye ses dettes et qui d'entre nous s'est trompé. Sujet des principes, mes principes disent qu'une fois retourné sa veste, y'a aucune chance de reprise. Même si après tu me détestes, l'éternel gère à sa guise. Quand il faut que je passe le test, et quand ce sont des bêtises, hey. Sujet des principes, mes principes disent qu'une fois retourné sa veste, y'a aucune chance de reprise. Même si après tu me détestes, l'éternel gère à sa guise. Quand il faut que je passe le test, et quand ce sont des bêtises, hey. Il faut endosser ce qu'on fait, apprendre à assumer ce qu'on dit. Sur cette terre, personne n'est parfait, même si c'est ce qu'on veut dans la vie. Savoir s'accepter comme on est et reconnaître ce qui nous nuit. Être autonome et se prendre en main font partie des rêves d'aujourd'hui. Ton frère reste ton frère malgré tout ce qu'il a pu te faire. Le temps va de l'avant, pas de l'arrière. Même si les souvenirs sont amers, la famille doit rester solidaire. Mais y'a pas assez de volontaires, y'a quelque chose de pas clair dans l'air qui mériterait de la lumière. Sujet des principes, mes principes disent qu'une fois retourné sa veste, y'a aucune chance de reprise. Même si après tu me détestes, l'éternel gère à sa guise. Quand il faut que je passe le test et quand ce sont des bêtises, hey. Sujet des principes, mes principes disent qu'une fois retourné sa veste, y'a aucune chance de reprise. Même si après tu me détestes, l'éternel gère à sa guise. Quand il faut que je passe le test et quand ce sont des bêtises, hey. Rastaman va les pièces in fama now. Rastaman va les bon vampire idio. Rastaman va les pièces in fama now. Rastaman va les bon vampire. Rastaman va les pièces in fama. From West Indies, modern in Africa. Bless and blaze. We'll be right back. Voilà. Bon, alors, les Best of Metallica. Donc, qui c'est les membres du groupe? Qui êtes-vous? Allez, Hugo, tu commences. Ah, Hugo commence. C'est Hugo, chanteur, guitariste. Ok. Bah, c'est Julien, bassiste. Tim, guitariste. Alex, batteur. Ah, il a une bonne tête de batteur, lui. De con. Donc, voilà, vous êtes d'où? Alors, moi, je suis de Nancy. À l'origine du sud, du Gard. Ouais. Je suis allé à Nancy. Okay. Loin de ces tarés. Je suis des Vosges. Ah, les Vosges, un Vosgien. Ouais. C'est pour ça qu'il est pas beau. Non, moi, j'aime bien les Vosgiens. Il y a des jolis, il y a des super chouettes fossiles dans les Vosges. Ouais. Donc. Et Luxembourg. Luxembourg, ok. Et pourquoi avoir choisi de faire du tribute en fait? Pas de talent. Parce qu'on n'a pas de talent. On a essayé de composer, c'était de la merde alors. Ah, mais ça arrive, ça arrive. C'est un concours d'événements, ça se passait comme ça. Ça arrivait plus ou moins tout seul. Quoi. Et donc, vous le faites surtout à la scène ou vous faites un peu de studio avec moi? Quoique, après demander les autorisations pour jouer du Metallica, ça coûte une blinde un peu. Non, il n'y a pas d'intérêt quoi. Voilà, non. Surtout quoi, il manque en plus d'intérêt. Pour faire la même chose en moins bien, c'est pas la peine. Non, c'est sûr. T'es pas les doigts. Toi aussi. Et donc du coup, le groupe il existe depuis combien de temps? Alors, et puis, je t'ai répondu ça l'autre jour. Ah non, c'était à Jean-Claude, 2013. 2013, ok. Ok. Et vous avez des projets, des concerts Bah, les projets, oui, c'est de faire un maximum de concerts, hein, c'est ça l'idée. Ouais. Donc, le seul truc qu'on veut, c'est se faire plaisir sur scène. Sans prétention particulière. Ouais, y a pas vraiment de raison. De toute façon, c'est parce que c'est sympa de faire ça et puis voilà, ça fait plaisir aux gens et puis on s'amuse bien. Quoi. Bah voilà, le but du jeu déjà de la musique, c'est de se faire plaisir et en donnant du plaisir, se faire plaisir. Ouais, c'est la bonne logique. C'est la base. Et ben voilà, on a fini. Hein. Vous voyez, c'était pas long. Bah, parfait alors. C'était pas long. Ouais. Ça marche. On a pas le temps de dire qu'on est les meilleurs. De toute façon, ça l'a enregistré, hein, je te préviens. Alors, merci à toi en tout cas. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite un bon concert. Quoi. Merci. Et surtout, foutez le feu. Quoi. Retournez. On va essayer. C'est cool. On compte sur vous. Les comme les autres. Il y a des soucis. Okay. Les lights, c'est chargeur de mettre le feu. Metallica feels good. Do you feel good? Do you feel good? This is gonna make you feel better. We'll be right back. Vous êtes toujours dans la 79e Vampire Freaks, c'est Spike qui débarque dans votre salon. C'est la spéciale collectif Œuf de Pierre, concert Shadrach Metal Fest, 18 mars 2017. On continuera cette émission avec You Don't Know I en live des Slakers. C'est sur l'album Do the Ska with the Slakers, sorti en 1992. On retrouve Bad Bug, Sleep Outside et Reagan Sally. J'adore cet album. On poursuivra avec une nouveauté, Fire on the Horizon de le nouveau Stick Figure, c'est sur l'album Set in Stone, sorti le 13 novembre 2015. On retrouve Indie Love, Sound of the Sea et Sunshine and Rain. Ils sont excellents. Allez sur la page Facebook de Stick Figure. On poursuivra avec Le Dernier Carré de ADX, c'est sur l'album Ultimatum, sorti le 24 février 2014. On retrouve Commando Suicide, Paracels et Divine Menace, un magnifique album. On poursuivra, soyons fous, c'est une spéciale, on va balancer un coup d'électro là. With Your Friend de Skrillex, c'est sur le premier EP My Name is Skrillex de Skrillex, sorti en le 7 juin 2010. On retrouve Weekends, Duda Oliphant et My Name is Skrillex. Et on finira ce bloc en live, en gros live, avec The Passenger de Iggy Pop. C'est sur l'album Live Post-Pop Depression, sorti en 2016. On retrouve Gardenia, In the Lobby, Sunday, entre autres. Un excellent album. Two eyes looking as lovely as you look too. get out now. I want everybody to repeat after me. Say what I say. You ready? Break down. Everybody say disco day. Disco day. Say disco day. Disco day. Say disco day. Disco day. Say disco day. Disco day. Say disco day. Disco day. Say disco day. Disco day. Thank you. Il marche, il marche sans jamais reculer. Il marche, il marche. sans jamais reculer. Il marche, le dernier carré. Il marche sans jamais reculer. Il marche, le dernier carré. And he rides, He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Are you okay? Okay, if you're not okay, just get on this thing and go that way or that way, or fucking steal the mic if you can. I'm almost ready, but not quite. I could do it. I'm ready. On vient de se faire un bon bloc là. You Don't Know I de Slaker, Fire on the Horizon de nouveau Stick Figure, Le Dernier Carré de ADX, With Your Friend de Skrillex et de Passenger en live de Iggy Pop. Cette 79e Vampire Freak Special of the Pierre se termine. Merci, je vous remercie de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freak, l'émission radio. On finira avec Kirikou et les bêtes sauvages de Youssou N'Dour. C'est la bande originale du film d'animation sorti le 7 décembre 2005. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et surtout, n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! Et les hommes avaient disparu. Les femmes pleuraient, tremblaient devant la sorcière. Kirikou se savait où trouver notre grand-père. Kirikou, mon ami, nous a redonné la vie. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Sur la route des flamboyants, du haut de la case Caraba, les fétis surveillent le village. Kirikou demande pourquoi Karaba est si méchante. Kirikou, mon ami, nous a redonné la vie. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il est mon ami.